Section 46 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Chapitre 11. La Renaissance en Italie jusqu'à la fin du XVe siècle. Première partie. Caractères généraux de la Renaissance. Les humanistes et les philosophes. Par André Berthelot. Définition de la Renaissance. On appelle Renaissance le mouvement intellectuel et artistique qui remplaçait les idées et les formes du Moyen-Âge par des idées et des formes nouvelles. Ce mouvement se produisit du XIVe au XVIe siècle. On en attribue l'origine et les caractères essentiels à l'influence des chefs-d'œuvre de la pensée et de l'art antique, à peu près oubliés pendant le Moyen-Âge. En même temps, les penseurs et les artistes se dégageaient des formes scolastiques ou hiératiques pour revenir à la nature et à l'observation exacte. La méthode scientifique fut retrouvée, la philosophie platonicienne mise en honneur, une prospérité matérielle grandissante, une civilisation plus raffinée, des mœurs élégantes et polies favorisèrent ce mouvement. La croyance ne fut plus légitimée par l'autorité, mais par la critique. Cette révolution intellectuelle fut d'abord un mouvement aristocratique, limité aux classes supérieures. Mais la découverte de l'imprimerie propagea l'instruction et les idées nouvelles dans toute la société. L'Italie, berceau de la Renaissance. L'importance considérable qu'eut le retour à l'idéal antique tient en grande partie à cette circonstance que c'est l'Italie qui revint à cet idéal comme à une ancienne tradition nationale. La Renaissance italienne évita ainsi le danger qu'il y a pour une race et une société nouvelle à calquer leur organisation, leur art, leur littérature sur des modèles morts. Les Italiens vivant dans le milieu romain, parmi les ruines, étaient plus aptes que tout autre peuple à comprendre l'Antiquité et à s'en assimiler l'esprit, à créer en imitant. Dans les autres pays, la Renaissance venant accentuer et détourner l'évolution nationale, se marqua par une double tendance très significative. C'est par l'intermédiaire de l'Italie qu'un esprit nouveau pénétra. C'est par la connaissance directe de l'Antiquité que se développa l'érudition. Quant à l'art, il fut d'abord peu modifié dans les pays de l'Europe occidentale et centrale. L'influence de l'Antique, ou plutôt de l'idéal classique constitué au XVIe siècle à Rome, ne se fit sentir que plus tard. Les raisons pour lesquelles la Renaissance s'est produite d'abord en Italie sont nombreuses. Les Italiens sont revenus à l'Antiquité plutôt que les Espagnols, les Français ou les Allemands, parce qu'ils s'en étaient moins éloignés. Les conditions politiques, en particulier la prédominance de la vie urbaine, étaient très analogues à celles où s'était développée la civilisation antique. Rien ne ressemble plus aux républiques grecques du Ve siècle avant Jésus-Christ que les républiques italiennes du XIVe siècle. La péninsule qui avait été le théâtre de la grandeur romaine était encore couverte de ses ruines. Elles exerçaient un grand prestige. Rome est restée la capitale de l'humanité chrétienne. Le vicaire de Jésus-Christ y réside. Il ne fait pas oublier l'Empire, dont la ville reste le centre idéal. L'empereur, quoique allemand, est regardé et se regarde lui-même comme l'héritier de César. Le conseil municipal de Rome croit tenir la place et revendique non seulement le nom, mais les droits de l'ancien Sénat. On a vu les tentatives d'Arnaud de Brescia et de Rienzi. Tout cet archaïsme politique témoigne d'un état d'esprit intéressant. Les pèlerins qui viennent à Rome en admirent indistinctement toutes les merveilles, églises chrétiennes et ruines païennes. Les catacombes approvisionnent l'Europe de reliques. Mais, à côté des martyrs, on a retrouvé, au XIe siècle, le corps gigantesque de Pallas, fils d'Évandre. Beaucoup eussent dit, comme Dante, « Les pierres des murs de Rome méritent la vénération de tous et le sol sur lequel la ville est bâtie est plus respectable que les hommes ne le disent. La langue italienne, dérivée immédiatement de la langue latine et restée très voisine d'elle, permit aux habitants de la péninsule de regarder les Romains comme leurs ancêtres et les initiateurs d'une tradition nationale. Les villes attribuent leur origine à Rome, les grandes familles se fabriquent des généalogies qui les rattachent aux patriciens de la grande cité. Les Barbi de Venise veulent descendre des Aeno Barbi, les Massimi de Fabius Maximus, Cornaro de Cornelius. Fiers de cette filiation, les Italiens devaient être d'autant plus portés à imiter l'Antiquité, à tenter de la continuer. De l'enthousiasme que les Italiens ont témoigné pour la tradition latine, il ne faudrait pas conclure qu'ils lui fussent toujours restés fidèles. Il ne faut pas non plus confondre l'esprit de la Renaissance avec l'esprit italien. La race a conservé bien des tendances communes avec ses glorieux ancêtres. Ces tendances ont pu se manifester avec plus d'éclat au temps de la Renaissance. Elles ne l'ont pas faite. Une autre erreur que n'a pas évité Burckhardt est de considérer comme propres à l'Italie, en faisant l'honneur à elle seule, bien des traits de la civilisation générale de l'Europe à la même époque. La Renaissance fut partout signalée par la résurrection de l'Antiquité. Cela a été contesté dans les dernières années. Mais ce qui est vrai et n'a guère eu besoin d'être démontré, c'est que le Moyen-Âge n'a jamais complètement oublié l'Antiquité. Les vestiges de la culture antique ne s'étaient effacés que lentement, malgré l'hostilité du christianisme et l'ignorance brutale des barbares. D'autre part, on ne la comprenait, on ne la respectait guère, cette Antiquité. Les monuments anciens servaient de carrières exploitées par les entrepreneurs. On y prenait surtout des colonnes que les gens du Moyen-Âge ne savaient plus tailler et polir. Et ces colonnes, prises aux monuments antiques, on n'a même pas l'idée de les assortir. On en juxtapose, d'ordre différent, une colonne corinthienne à côté d'une dorique. Partout, le marbre était converti en chaux. Et pendant le XVe siècle, cette dévastation durait encore. Vers 1430, le Pauge a pu voir encore les colonnes et les incrustations de marbre des thermes de Caracalla et de Dioclétien disparues 50 ans après. Les sarcophages resservaient pour les gens de marque. Les pierres gravées étaient employées pour des sceaux. La plupart des statues antiques avaient péri ou étaient ensevelies. Quelques-unes à peine étaient conservées, parfois comme des talismans. Ainsi, le régisol à Pavie. On a invoqué ces exemples et cité quelques passages où il est parlé de l'ancienne Rome avec admiration et sympathie, afin de prouver que la tradition antique avait persisté à travers tout le Moyen-Âge. Mais ces témoignages sont bien isolés, de plus en plus rares à mesure que domine l'art gothique. Les noms mêmes de Phidias et de Praxitèle étaient oubliés. Virgile était regardé comme un sorcier. Très nombreuses sont les légendes dont les personnages sont grecs ou romains, mais la trame du récit, la conception, est toute du Moyen-Âge. Le droit romain. Du patrimoine de la civilisation gréco-romaine, la première chose qu'on retrouva fut le droit romain. C'est en Italie qu'on se prit d'abord à l'étudier. Cette étude eut sur la formation de l'esprit italien une grande et salutaire influence. Tandis que la scolastique s'épanouissait en France et que Paris devenait le centre de cette culture, des milliers d'étudiants affluaient à Bologne pour apprendre la jurisprudence. Cette science, formée de raison pure et d'expérience, qui concilie les intérêts mobiles avec les principes fixes du juste, s'élève dans les écoles de la péninsule à son plus haut degré de noblesse par la gravité même des intérêts qu'elle s'efforce d'accorder et qui touchent au gouvernement et à la paix du monde. Le pape et l'empereur, les relations et les limites du monde spirituel et de la domination temporelle et féodale, la monarchie universelle et la liberté des cités, tel est l'objet supérieur sur lequel se concentre l'effort scientifique de l'Italie. À Paris, on dispute sur Aristote, dont le texte original manque. À Bologne, à Rome, on commente les monuments authentiques du droit écrit. Cette science, protégée par les empereurs et leurs vicaires, pratiquée par Innocent III, encouragée par les papes légistes d'Avignon, recherchée par les étudiants tels que saint Thomas de Canterbury, règne sur toutes les directions de l'esprit avec un empire semblable à celui de notre scolastique. Elle attire de son côté les philosophes et les maintient par sa méthode dans la voie rationnelle. Note. Gebhard, origine de la Renaissance en Italie. Fin de note. Les légistes bolognais apportent à l'Europe chrétienne et féodale une nouvelle idée de l'État. Notre conception politique doit beaucoup à celle de la cité grecque et romaine. Cependant, ce serait une exagération de considérer l'idée de l'État moderne comme caractéristique de la Renaissance, encore moins de la Renaissance italienne, car rien ne ressemble moins à notre État impersonnel, administrateur et justicier désintéressé que les républiques ou les tyrannies de la péninsule. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que l'éducation juridique donnée aux Italiens fut bonne, surtout comparée à l'éducation scolastique. L'exemple de Pétrarque est frappant et son appréciation sur l'école de Paris très instructive. Il affirme que la dialectique est une bonne gymnastique intellectuelle. Mais si on a raison de passer par là, on aurait tort de s'y arrêter. Il n'y a que le voyageur insensé auquel l'agrément de la route fait oublier le but qu'il s'était fixé. Liberté intellectuelle. La liberté intellectuelle dont jouissent les Italiens est due pour beaucoup à leur situation spéciale vis-à-vis de l'Église. Au voisinage de ces chefs, les voyant de près, constatant journellement qu'ils sont des hommes comme les autres, discernant sous leurs décisions les passions qui les inspirent, ils ont du christianisme une idée bien moins abstraite que les autres peuples. Ils s'asservissent moins aux dogmes et à la discipline, traitent avec familiarité l'Église, qui de son côté leur témoigne une indulgence très large. Si dure pour les Vaudois et les Cathares, elle fut douce aux Fraticelli. En France, on était brûlé pour avoir vu des hérétiques, mal pensés de la religion. En Italie, on n'allume guère de bûcher. Ceux qui invectivent le pape ne sont même pas poursuivis. Le catholicisme a donc moins pesé sur l'âme italienne que sur tout autre. Le rationalisme, préparé par l'étude du droit romain, ne fut guère entravé. Il revint naturellement aux latins et aux grecs. Ce ne fut pas en effet le retour à l'Antiquité qui suscita le mouvement intellectuel, mais bien plutôt ce mouvement qui se dirigea vers l'Antiquité. Seule, elle pouvait donner satisfaction aux besoins rationnels et esthétiques d'esprit libre. La Renaissance fut le résultat de cette évolution. Les précurseurs de la Renaissance. Les artistes du XVe siècle ne sont pas les premiers qui aient eu l'idée de chercher leur modèle dans l'Antiquité. Presque à chaque siècle, on pourrait citer des imitateurs de ce genre. Les plus célèbres vécurent à Pise, ville qui était en rapport constant avec le monde byzantin. Au XIe siècle, la cathédrale, commencée en 1063, au XIIe le baptistère, 1154, même le Campo Santo, 1174, s'inspire visiblement de l'architecture ancienne. La matière est le marbre blanc, les motifs sont la coupole et l'arcade. C'est l'époque de l'architecture romane, et celle des environs de Florence rappelle aussi les monuments romains. Mais ce mouvement dure peu. L'architecture gothique prévaut au siècle suivant. La miniature, la sculpture décorative, empruntent souvent leur sujet à l'Antiquité. Mais l'exécution, figure, personnage, costume, est bien du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, à Pise, qui s'était enrichi de sarcophages gréco-romains, plusieurs sculpteurs s'efforcent de copier la manière antique. Nicolas de Pise, mort en 1278, Arnolfo del Cambio, Jean de Pise, mort vers 1329, et André de Pise, 1273-1349, sont les plus illustres. Ce mouvement artistique, d'ailleurs assez localisé, n'eut pas de suite. Lorsqu'au XIVe siècle, des peintres tels que Giotto commencent à mettre à contribution l'Antiquité, surtout pour lui emprunter des ornements, cette tentative est encore isolée. Les disciples de Giotto ne suivent pas son exemple. On ne peut faire commencer la Renaissance avec les premiers grands écrivains italiens. Ce serait aussi absurde que de la faire commencer avec leurs contemporains français. Dante, 1265-1321, est un homme du Moyen-Âge. Toute sa poésie latine est scolastique. Sa théorie politique repose sur l'admiration de l'Empire. et s'il remonte pour chercher son idéal jusqu'à l'Empire romain, c'est par un contresens historique commun chez les gens de son temps. Ici encore, l'originalité de sa théorie est plus apparente que réelle. L'apologiste passionné de l'Empire, le doctrinaire Gibelin, est bien un homme de la fin du XIIIe siècle. La Quaestio de Aqua et Terra, qu'il écrivit dans ses dernières années, est une dissertation scolastique. Les premiers humanistes, Pétrarque. Si Dante ne peut être regardé comme un précurseur de la Renaissance, Pétrarque y a tous les droits. C'est le premier des humanistes. On a même dit le premier homme moderne. Ce prêtre est un des personnages les plus intéressants de l'histoire littéraire. Son amour platonique pour l'or les a immortalisés tous deux. Mais bien qu'il doive surtout sa gloire actuelle à ses sonnets et à ses canzoni, écrits en italien, ce fut à ses œuvres latines qu'il donna la préférence. C'est à elles qu'il dut, de son vivant, un si grand renom. Il est encore plus remarquable par sa psychologie que par ses chefs-d'œuvre. Cette psychologie est voisine de la nôtre, un peu par la conception de l'amour, beaucoup par l'extrême individualisme de Pétrarque, par son constant souci de la vie intérieure. D'un bout à l'autre de son existence, il fut préoccupé de se connaître lui-même. Sa correspondance, les confessions qu'il rédigea sous divers titres, Secretum, De Contemptu Mundi, De Conflictu Curarum Suarum, l'autobiographie qu'il intitule « Lettres à la postérité » sont significatives. Il y insiste bien plus sur le développement de son caractère, sur l'état de son esprit, que sur les incidents et faits particuliers de sa vie extérieure. Il nous a conté lui-même comment il arriva à ses idées. C'est un très beau récit qu'il fait dans une lettre à son ami Dionisio da Borgo San Sepolcro, 1335. Il avait 31 ans et était monté avec son frère au sommet du Mont Ventoux. Du haut de ce magnifique belvédère, il contempla longtemps les nuages, les plaines et les montagnes, la mer, rêvant à la lointaine Italie. Machinalement, il tira de sa poche les confessions de saint Augustin, les ouvrit au hasard et lut « Les hommes vont admirer les cimes des montagnes, l'énormité des vagues marines, la largeur des fleuves, l'immensité de l'océan, le cours des étoiles, mais ils s'oublient eux-mêmes. » Le poète ferma son livre et s'irrita d'avoir pu se confondre en admiration devant des choses terrestres, alors que les philosophes païens, eux-mêmes, lui apprenaient que seul l'esprit est grand et admirable. Dans sa propre confession, il a pris pour interlocuteur saint Augustin. Il nous y décrit lui-même sa psychologie et les sentiments qui la dominent. La soif de la gloire, la mélancolie, Acedia, l'amour. L'amour est de tous les temps, et Pétrarque l'exprime à la manière de son temps, à la manière des troubadours. La passion de la gloire est un sentiment caractéristique de la Renaissance, où la personnalité prit un développement qu'elle n'avait pas au Moyen-Âge. La mélancolie nous paraît caractéristique des modernes, et l'analyse qu'en donne Pétrarque pourrait s'appliquer à un enfant du XIXe siècle. Le conflit de la réalité et des apparences, le besoin de réflexion philosophique et l'impossibilité d'en remplir la vie, la perpétuelle inquiétude d'esprit contrastant avec le calme envié des sots, la disproportion entre les efforts et les résultats, le néant de toute action, les conclusions pessimistes. Convaincu de la supériorité de la culture littéraire et des études latines classiques, Pétrarque soutint de vives polémiques contre les avéroïstes, les juristes et surtout les médecins. Il n'admettait pas que le droit ni la médecine fussent des sciences. Il ne s'est d'ailleurs pas confiné dans le culte du passé, et il s'est fort occupé de la politique. Il a été au service des Visconti de Milan, leur rédigeant des discours, des lettres, il a accompagné des ambassades, faisant de la diplomatie décorative, et il s'est même à l'occasion exagéré son rôle. Son amour de Rome n'a pas été inactif. Il a fait les plus grands efforts pour décider les papes à y revenir. Quand il espéra que les Romains allaient se relever par leur propre force, il appuya de ses vœux la tentative de Rienzi, 1347-1353. Enfin, pendant 18 années, 1350-1368, il supplia l'empereur de s'intéresser à Rome. Sans exagérer le rôle auquel pouvaient aspirer alors les littérateurs, il est indéniable qu'ils ont pris, au XIVe siècle, une importance qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils la durent principalement à la nouvelle idée qu'on se fit alors de la gloire, idée empruntée aux auteurs anciens, aux De Gloria de Cicéron. En qualité de poètes ou d'historiens, les hommes de lettres dispensaient la gloire à ceux dont ils chantaient ou narraient les hauts faits, en les rapprochant de leurs illustres ancêtres et modèles de l'école romaine. Ils étaient d'autant plus considérés que, glorieux eux-mêmes, ils donnaient la renommée aux autres. Le moment n'est pas loin où l'on ira voler des cierges aux crucifiés pour les porter au tombeau de Dante. Pétrarque jouit dès son vivant d'une gloire dont les manifestations nous surprennent. Chaque année à Noël, les docteurs et étudiants des deux collèges de l'université de Padoue venaient en procession, avec cierges allumés et fanfares de trompettes, lui offrir leurs hommages et des présents. Il nous compte avec orgueil les présents que lui faisaient les grands, les adulations des lettrés, les décrets élogieux des cités, les efforts des princes pour l'attirer à leur cour, l'entrée triomphale qu'il fit dans Arezzo, sa patrie, les regrets des Florentins qui avaient banni son père et se hâtèrent de réparer cette injustice, le plaisir de donner l'immortalité à sa bien-aimée, Laure, à des rois dont nul n'aurait parlé 100 ans plus tard s'ils n'eussent été ses amis. Il finit même par se dire incommodé de cette célébrité et souhaitait que son nom fût moins connu de la multitude. La situation exceptionnelle de Pétrarque est attestée par son apothéose au Capitole. Cette cérémonie symbolique du couronnement des poètes, renouvelée des concours antiques, comme manifestation la plus éclatante de la gloire littéraire, était conforme aux idées de l'époque. Dante l'avait rêvé pour lui-même, Albertino Musato avait été couronné à Padoue, en 1310. L'Université de Paris et la municipalité de Rome revendiquèrent simultanément l'honneur de couronner Pétrarque pour ses poésies latines. Son examinateur, le roi Robert de Naples, proposa sa capitale. Le poète préféra Rome. Le 8 avril 1341, il y entra au milieu des acclamations de la foule qui l'accompagna au Capitole. Le sénateur de Rome lui posa sur la tête la couronne de laurier. Il fut harangué et loué par Orso d'Anghilliera et Stefano Colonna. Il se rendit ensuite à Saint-Pierre, où il déposa sa couronne. Un banquet chez Colonna termina la fête. Le couronnement de Pétrarque au Capitole annonce véritablement la venue d'un autre âge. Boccace. À côté de Pétrarque, il faut citer Boccace, 1313-1375, son cadet de quelques années et son émule dans la fondation de l'humanisme. Né à Paris, fils d'un commerçant florentin et d'une Française, il vécut à la cour de Jeanne de Naples, puis à Florence, à partir de 1358. Il fut en correspondance suivi avec Pétrarque, dont il peut être regardé comme le disciple. Il eut aussi sa maîtresse idéale, qu'il chanta, mais il ne se borna pas au platonisme, et sa liaison avec Phia Metta lui donna 15 ans de bonheur. Ses vers sont pourtant la moindre partie de l'œuvre de Boccace, qui fut surtout un prosateur. Aujourd'hui, on ne lit plus que son livre italien, ce Decameron, 1348-1358, que Pétrarque lui renvoya dédaigneusement sans le lire. De son temps, il fut apprécié comme apologiste passionné et commentateur de Dante et comme écrivain latin. Ses œuvres latines, qui ne témoignent que d'une connaissance superficielle de l'Antiquité et d'une vulgarisation hâtive, se répandirent partout et furent bien des fois réédités au siècle suivant. Pétrarque avait surtout étudié les latins en moraliste. Il les avait imités dans ses compositions littéraires. Boccace les étudie en érudit et cherche surtout à les faire connaître. Ainsi se marque une nouvelle tendance, plus scientifique. Le grand ouvrage d'érudition de Boccace est un traité de mythologie intitulé « De Genealogia Deorum », 15 livres. Dédié au roi de Chypre, Hugues IV. Ce vaste ouvrage témoigne à la fois de l'étendue des lectures latines de Boccace et du respect avec lequel il traite les auteurs classiques. les deux derniers livres sont consacrés à une apologie de la poésie qu'il défend notamment contre la théologie et le droit. Il ne faut pas s'y tromper. Poésie est ici synonyme d'humanisme et s'applique à toute l'activité des poètes philologues. Boccace entend que les humanités deviennent une branche d'études indépendante. L'Église étant triomphante, il n'y a nul danger à faire revivre le paganisme. Le traité de mythologie de Boccace était un moyen de vulgariser la connaissance de l'Antiquité. Il y joignit un petit dictionnaire géographique, souvent réédité. Parmi ses œuvres, il faut encore citer un livre sur les femmes célèbres, De Claris Mulieribus. Il trace la biographie de 104 personnes, commençant par Ève et finissant par Jeanne de Naples. 97 sont de l'Antiquité, 7 seulement du Moyen-Âge. Les humanistes à Florence. Le culte de l'Antiquité avait été préparé par Dante, qui, dans sa Divine Comédie, présente toujours parallèlement le monde antique et le monde chrétien, et réunit souvent un exemple chrétien et un exemple païen du même fait ou du même type. Il fut inauguré par Pétrarque et Boccace. Le mouvement gagna rapidement. Nombreux furent les disciples de Pétrarque et de Boccace. Toute la haute société italienne se mit à leur école. Le premier qu'il convienne de nommer est Coluccio Salutato, né en 1330. Chancelier de la République de Florence, 1375, il substitua le latin classique au latin barbare dans la rédaction des correspondances et des actes officiels. Les manifestes rédigés par Coluccio contre le pape et contre Jean Galeas Visconti produisirent une grande impression. Coluccio réunit les lettres de Cicéron, Marsiglio, 1342-1394, moine augustin, présidait au couvent San Spirito de Florence une véritable académie où afflua la jeunesse de la ville. Un autre disciple de Pétrarque, Giovanni Malpaghini de Ravenne, eut aussi, à la fin du XIVe siècle, une grande influence. Il voyagea beaucoup, professa à Udine, à Padoue, 8 années à la cour de Ferrare, et finalement à Florence. Maître éminent, il forma des élèves, à leur tour célèbres, Vittorino de Feltre et Guarino de Vérone. Au même temps, le riche Antonio degli Alberti, 1358-1415, tenait une sorte de salon que nous fait connaître le Paradis des Alberti, 1389. Ce marchand riche et lettré, qui partage son temps entre ses affaires, le mysticisme, la politique, la science, est une curieuse figure. Son pèlerinage à Rome, ses intrigues politiques, son exil, ses conspirations ne l'empêchent pas de professer à l'occasion, à Bologne, de publier des vers. Citons encore l'humoriste Franco Sacchetti, dont les nouvelles sont des plus spirituelles, et les Villani, une famille d'historiens. La connaissance du grec. Tandis que le goût des humanités se généralisait, leur champ s'étendait. On arrivait à la connaissance directe des écrivains grecs. C'était un énorme progrès, puisque les Grecs, éducateurs des Latins, le restent supérieurs dans tous les domaines de l'activité intellectuelle. Malgré des rapports commerciaux et politiques ininterrompus avec le monde byzantin, quoique le sud de la péninsule, à peu près hellénisé, et mérité jusqu'au XIe siècle son ancien nom de Grande Grèce, les Italiens ne lisaient plus le grec. C'est par les Arabes que vinrent aux Européens occidentaux les théories philosophiques et scientifiques, les recettes techniques élaborées dans le monde grec. Les relations littéraires et scientifiques ne se rétablirent entre l'Italie et la Grèce qu'au XIVe siècle. Pétrarque ne savait pas le grec, et bien qu'il ait essayé de l'apprendre et recueilli à cet effet un aventurier grec, il ne put jamais lire l'Homère qu'on lui avait donné. Boccace installa et garda plusieurs années dans sa maison un grec calabrais, Léonce Pilate, qui lui apprit à peu près sa langue. Plus tard, la science du grec se localisa à Florence. Elle y fut apportée, 1396, par Manuel Chrysoloras, à l'école duquel se mit Leonardo Bruni, l'Aretin, qui devint le chef de l'humanisme au début du XVe siècle. Bruni lui-même, qui était passionné pour le grec, déclare que pendant 700 ans, nul maître ne l'avait enseigné en Italie. Avec Manuel Chrysoloras, vinrent Jean Chrysoloras et Georges de Trébizonde. Quand la chute de Constantinople devint imminente, les immigrants grecs se multiplièrent. Il faut citer Jean Argyropoulos, Théodore de Gaza, Démétrius Chalcocondyle, Andronique Callistos, Mousourous, les Lascaris, Gémisté Pléton et le cardinal Bézarion. Enfin, après la ruine de l'Empire byzantin, les réfugiés affluèrent, apportant avec eux leurs manuscrits. L'enseignement classique. Les universités s'étaient multipliées en Italie au XIIIe et au XIVe siècle. Elles n'avaient souvent que trois chaires, droit canon, droit civil, médecine. Bientôt s'y ajoutèrent la rhétorique, la philosophie, l'astronomie, plus tard le grec, qui ne fut régulièrement enseigné qu'à Florence, Rome et Padoue, et ne se vulgarisa qu'après l'imprimerie. On étudia même l'hébreu, qui intéressait l'Église, et l'arabe, qui intéressait les médecins. La situation des professeurs était très inégale. Ceux dont on pouvait utiliser les services, juristes et médecins, étaient le mieux rétribués, sans parler des bénéfices accessoires qu'ils tiraient de leurs consultations. Les philologues, en général, ne se fixaient pas. Ils professaient successivement dans plusieurs villes. L'enseignement se donnait concurremment à l'université et en dehors, par exemple à Florence, chez les Augustins de San Spirito et chez les Camaldules. En outre, beaucoup d'écoles de latin s'étaient fondées, représentant l'enseignement secondaire. Les philologues assurèrent leur ascendant par l'éducation des nobles et des riches, par celle des princes. Parmi ces éducateurs, deux ont été toujours cités à part, Vittorino Rambaldoni de Feltre, 1397-1446, et Guarino de Vérone, 1370-1460. Littérature néo-latine. Élevée dans le culte de l'Antiquité, les lettrés du XVe siècle en viennent tout naturellement à vouloir la reproduire. Chacun d'eux imite quelqu'un des genres classiques latins. Le discours d'apparat occupait une grande place au XVe siècle. Le talent oratoire d'Aeneas Silvius, auteur des Artis Rhetoricae Praecepta, 1456, le conduisit à la papauté. Pas d'ambassade sans une harangue, en belle prose latine ou même en vers. Tout fonctionnaire entrant en charge subit ou prononce un discours latin sur ses devoirs. Les condottieri, même, sont harangués par les secrétaires d'État en présence du peuple de Florence. L'oraison funèbre est prononcée par l'humaniste à l'église, en habit laïque. Ce sont constamment des laïcs qui parlent aux fêtes des saints, aux mariages, aux enterrements, à l'installation des évêques, au besoin à la première messe d'un prêtre devant le chapitre. Dans les discours, on imite, on démarque Tite Live, Cicéron. Dans la correspondance, Cicéron et Pline le Jeune. On s'envoie de petites dissertations latines. Les gens connus rédigent leurs épîtres pour le public. Pétrarque a donné l'exemple, mais il eût paru arriéré et peu correct aux lecteurs des élégantes épîtres de Politien et Bembo. Les moins doctes même peuvent puiser dans les formulaires de lettres latines dressées à leur intention. À la fin du XVe siècle, on s'attache surtout au purisme. Laurent Valla a publié ses Elangatia Linguae Latinae, traité de grammaire et de rhétorique, énorme et incohérente collection de belles phrases latines, de mouvements oratoires, d'expressions choisies, de règles de style, de conseils sur l'emploi de tels mots ou de telles tournures. L'étendue des lectures de Valla, la finesse de son goût et de son sens littéraire maintiennent à cet ouvrage un réel intérêt. On ne peut imaginer la vogue qu'il eut. Ses contemporains y trouvaient rassemblés tous les modèles. On en vint à distinguer dans la prose les nuances les plus subtiles et à ne reconnaître comme impeccable que Cicéron. Cet engouement fut porté au point que Bembo et ses amis s'efforcent de n'employer aucun mot qui ne figure dans Cicéron. On conseille à Longolius, Christophe de Longueuil, de ne lire que cet auteur pendant 5 années afin d'apprendre à écrire. il nous faut dire un mot de la poésie néo-latine. On sait la vogue qu'eut l'Afrique de Pétrarque, dont le héros était Scipion. Au XVe et au XVIe siècle, on ne cessa de s'appliquer aux vers latins. Les modèles furent Virgile, et pour le genre léger, Catulle. Le chef-d'œuvre de cette poésie néo-latine, dont les productions se comptaient par milliers, est le poème de Saint-Nazaire, 1458-1530, des Partus Virginis. L'humanisme, qui aboutissait à une littérature artificielle, tomba en décadence au milieu du XVIe siècle. À la conception dogmatique de l'Antiquité, on substitua une conception critique. La situation des humanistes était fausse. Érudits littéraires, dès qu'ils furent dépassés par les vrais érudits, quand la diffusion des études eut multiplié les professeurs et orateurs, ils perdirent leur crédit. Les littérateurs revinrent à la langue italienne et adoptèrent définitivement le dialecte florentin. Philosophie. La Renaissance ne fut pas limitée à la pédagogie et à la littérature. Elle s'étendit à la philosophie et à tout l'ensemble des conceptions. C'est par là qu'elle fut le plus féconde. Le réveil de l'esprit scientifique est la conséquence la plus profonde de la Renaissance. Si dans la rénovation littéraire, le latin avait eu tous les honneurs, la rénovation intellectuelle fut surtout l'effet de la connaissance des auteurs grecs. Les philosophes eurent enfin le texte authentique d'Aristote et purent étudier de première main le maître qui avait régné sur l'école au Moyen-Âge. En même temps, ils connurent Platon. Aussitôt reprit une querelle qui avait déjà divisé les anciens entre les partisans d'Aristote et ceux de Platon. Le rôle principal dans cette discussion appartint à Bessarion, 1403-1472. Venu en Italie pour négocier l'union des églises grecques et latines, il resta dans la péninsule, jugeant qu'il y avait plus à espérer. Il devint cardinal et faillit être élu pape. Sa munificence éclairée, la protection qu'il accorda aux artistes, sa bibliothèque, pour laquelle il dépensa 30 000 ducats, 1,5 million de francs, atteste qu'il fut un des mécènes les plus remarquables de son époque. Il exerça une influence immense comme promoteur de la philosophie platonicienne. Gémiste Platon, 1355-1450, avait déjà exalté le spiritualisme de Platon. Mais cet érudit, qui arrivait de la cour musulmane d'Andrinople, qui exaltait le paganisme et traitait les chrétiens de sophistes, dont le livre des lois fut brûlé comme hérétique, inspirait trop de méfiance pour amener beaucoup de recrues à ses théories. Bessarion, bien moins radical, eut un succès complet. Son grand ouvrage, Contre un calomniateur de Platon, est dirigé contre Georges de Trébizonde, qui prenait Aristote aux dépens de Platon. Les Grecs considéraient la cause de ce dernier comme une cause nationale. Seul, ils possédaient ses œuvres, tandis que celles d'Aristote étaient traduites et commentées dans toutes les langues. Bessarion fit ressortir l'analogie des théories platoniciennes avec le christianisme. Il vulgarisa cet idéalisme et cette esthétique bien propres à séduire les Florentins du XVe siècle. Bientôt se forma, à l'image de l'Académie d'Athènes, une Académie des platoniciens de Florence. À l'anniversaire de la naissance et de la mort du maître, les disciples se réunissaient pour lire le banquet et dialoguer comme les illustres Athéniens d'autrefois. Le plus intéressant des platoniciens de Florence fut Marsile Ficine, 1433-1499. Ce prêtre maladif concilia un platonisme ardent avec une foi chrétienne inébranlée. Il donna autant de soin à son livre « De Religiona Christiana » qu'à celui où il étudia l'immortalité de l'âme d'après Platon, « Theologia Platonica de Immortalitate Animarum ». Il traduisit tous les écrits de Platon, une partie de ceux des néo-platoniciens, Plotin et Jamblique. Par sa correspondance plus encore que par ses leçons, il propagea ses idées. Elles trouvèrent chez les Médicis et dans leur entourage d'enthousiastes partisans. L'influence des doctrines de Platon, considérable sur la littérature, le fut davantage sur l'art. Elles ont, dit M. Münz, donné à la Renaissance ce caractère de haut spiritualisme qui est encore, somme toute, le plus pur de sa gloire. l'action progressive de la philosophie néo-platonicienne ne saurait être prisée trop haut. C'est elle qui a détaché peu à peu les esprits de la contemplation de la réalité pour les transporter dans des régions supérieures. C'est elle qui a mis la flamme et l'éloquence à la place des pratiques d'observation minutieuse ou des généralisations encore si timides, propres aux primitifs. C'est elle qui a fait de l'école italienne, si profondément réaliste au début du XVe siècle, une école d'idéalistes. La diffusion de la philosophie grecque entraîne un affaiblissement de l'esprit chrétien, une sorte de paganisme intellectuel, même chez les adeptes qui veulent concilier la philosophie et la religion. Dans l'académie formée à Rome par Pomponio Leto, les membres se désignent sous le nom de prêtres, sacerdotes. Appelle Pomponio grand pontife, pontifex maximus. Ce demi-paganisme motiva la persécution dirigée contre eux par Paul II. Le prince de Rimini, Sigismond Malatesta, est un païen pratiquant, pour ainsi dire. Ce spirituel et fastueux tyran groupa autour de lui les représentants les plus ardents de la culture classique, savants, littérateurs, artistes. Ce n'est pas une église qu'il bâtit, mais un temple. Ce n'est point à un saint qu'il dédie ce temple, mais à sa maîtresse, la belle et savante Isota. Aux reliques des martyrs, il substitue les ossements d'humanistes fameux, entre autres de gémiste Platon, dont il est allé chercher en Grèce la dépouille mortelle. Pour décoration, dans ce panthéon d'un nouveau genre, les sujets les plus profanes, les sciences, les arts, les planètes, les signes du zodiaque. Mons. Ce paganisme archéologique est curieux mais nécessairement stérile. Il y avait plus d'avenir dans la libre critique de Laurent Vallat. Il ne s'incline devant aucune autorité, s'attaque à Aristote, démontre la fausseté de la donation de Constantin, titre essentiel de la papauté. Il discute aussi librement Moïse que Tite-Live, nie que les apôtres aient rédigé le fameux symbole. Il met en doute la divinité du Christ. Il préfère ouvertement la doctrine épicurienne à la doctrine chrétienne. Ce que la nature a créé et formé ne peut être que bon et sacré. La nature est identique ou à peu près identique à Dieu. Le fondement de la morale est la volonté de faire le bien ou l'inclination au bien. Vallat déclare monstrueux le célibat des prêtres, toute la vie monastique. Ce libre penseur, le protégé d'Alphonse de Naples et du pape Nicolas V, vécut paisiblement à Rome. Son nom mérite d'être conservé comme celui d'un des promoteurs de l'esprit moderne. Il n'est pas le seul. Pic de la Mirandole, l'enfant prodige, ne s'asservit pas au culte de l'Antiquité classique. « Nous vivrons éternellement, dit-il, non pas dans les écoles des éplucheurs de mots, mais dans le monde des sages, où l'on ne discute pas sur la mère d'Andromaque ou sur les fils de Niobé, mais sur l'essence des choses divines et humaines. Celui qui approfondira ces questions verra que les barbares avaient eux aussi l'esprit dans le cœur et non sur la langue. » Fin de la section 46.